بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتوى من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تتعلق بتصرفات الحزبيين والمتعصبين. فبوفو علي انصم ان شاء الله une فتوى de شيخ الإسلام, une partie d'une فتوى car elle est très longue. Moi, j'ai pris le shahid, la partie qui nous intéressait, qui nous concerne. Une fatwa dans laquelle il démontre certains comportements liés à la hizbiya et au fanatisme. Quand on dit hizbiya, c'est esprit de parti. Abu Taymiya, Khalil al-Mutiniki, hafizahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammadin wa la ahli wa sahbi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Hier, j'avais oublié de donner les références de la fatwa. Le Mujmal al-Fatawa. Le Mujmal al-Fatawa. Volume 28, page 13. Yani Shahid. Le kalem qu'on lit là. Maintenant, la fatwa commence avant. Parce que là, j'ai pas mis toute la fatwa entière. J'ai pris juste le Shahid. La fatwa est beaucoup plus longue que ça. Peut-être que ça doit commencer. La question doit être en page 10, 11, peut-être. Allah alam. Et les références de Majmou al-Fatawa, c'est toutes les mêmes. Yannis Fahris, ce classement se trouve dans tous les livres. Même si le nombre de volumes diffère ou kaza, Yannis, dans le livre, ils sont classés par la table des matières d'origine. Naam. Donc on va finir, Inch'Allah. De lire cette fatawa, An-Nafisa al-Mufida al-Mubaraka. Faqala, rahimahullah ta'ala. Après que hier on ait commencé à parler de ce qui. Des relations que doivent entretenir les musulmans entre eux, l'enseignant envers l'élève, vice versa. Que l'amour doit être pour Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, et que l'ordre doit convenir avec l'ordre d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, son messager sallallahu alayhi wa sallam, et que si une sanction doit être émise, elle doit être basée sur un dalil, et en plus elle ne doit pas être faut pas en rajouter. Et les relations sont basées sur le kitab al-sunnah et pas sur les passions. Et pas sur les sentiments en soi. Et sur le livre et la sunnah. Thumma qala rahimahullah ta'ala. Wa idha waqa'a bayna mu'allimin wa mu'allimin aw tilmidhin wa tilmidhin aw mu'allimin wa tilmidhin khusumatun wa mushajaratun lam yajuz li ahadin an yu'ina ahadahuma hatta ya'lama al-haq. فلا يعاونه بجهل ولا بهوى بل ينظر في الأمر فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبتل سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره وسواء كان المبتل من أصحابه أو أصحاب غيره. Sauf ce qui est l'équité. Il dit que si jamais il arrivait à ce qui se passe une dispute, un litige, une divergence entre deux enseignants ou entre deux élèves ou entre un élève et un enseignant, qu'il n'est pas permis. Il n'est pas permis pour personne. Il n'est pas permis pour personne d'épauler qui que ce soit toi qui ne connais pas la vérité. Et qui ne soutiennent personne avec ignorance et ni avec passion. Mais il doit analyser la situation, de regarder, d'accord, de regarder qu'est-ce qui s'est passé. Et après cela, une fois qu'il a vu la vérité telle qu'elle est, alors là il doit soutenir le revenant droit et il doit le secourir sur celui qui lui fait du mal, sur l'injuste. Et peu importe que ce revenant droit soit de ses amis ou des amis d'autrui. Et peu importe que l'injuste soit de ses amis ou des amis d'autrui. Ça revient à ce qu'on disait hier. Contrairement à ce que c'est sur quoi marchent des gens, en disant que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. À partir du moment où un tel tu ne l'aimes pas, tu seras mon ami. Tout le monde sera ami. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas un tel? Donc l'amitié est basée sur quoi? Sur l'animosité sur une personne. Ou le contraire. Le contraire qui est l'ennemi de mon ami et mon ennemi également. C'est-à-dire qu'un tel, tu n'aimes pas pourquoi? Parce qu'il est ennemi avec un tel. Ça, juste pour ça. Il se peut que ton ami, il ait eu tort. Il se peut que ton ami, il ait eu tort. Et que son opposant ait raison. Donc tu n'as pas le droit de t'opposer à son opposant, supposons qu'il s'en est pris à ton ami. Et troisième qui est l'ami de mon ami, mon ami. Pareil, il faut voir cette amitié sur quoi elle est basée. Il se peut que l'ami de ton ami ne soit pas quelqu'un de bien. Donc tu n'as pas à le prendre en amitié, supposons que ton ami à toi l'aime bien lui, donc tu vas l'aimer toi aussi. Tout ça est basé sur Kitab wa Sunnah. Ça rappelle ce qu'il y a une règle qui était connue à l'époque dans la Jahiliya qu'on nous avait appris, dans les films et autres bêtises qu'ils nous ont mis en tête, les fameux mousquetaires, un pour tous pour un. Je sais pas si tu te rappelles. C'est ça, hein. Un pour tous pour un. Et jusqu'à la mort, on est unis. Quoi qu'il arrive, personne ne divise entre nous, même si l'autre il a tort, on est un pour tous pour un. Je suis pour vous, vous êtes pour moi. C'est ça. Et c'est devenu un slogan sur lequel les gens vont marcher. Alors que c'est en islam, c'est totalement faux. À la base, nous, c'est tous pour Allah et son messager. C'est tout. Donc là, il appelle à quoi? À ne pas rentrer dans une affaire et prendre parti sans avoir été éclairé de qui a raison, de qui a tort. Et ne pas être pris par les sentiments. Comme un tel son ami, tu le défends tout de suite. Tu ne sais pas. Il se peut que ton ami ait mal agi. Ou qu'il y ait une divergence entre un enseignant et un étudiant. Ce n'est pas comme l'autre c'est un enseignant, forcément c'est un cheikh ou un alim qui a forcément raison. C'est un être humain, il peut avoir tort. Et c'est pas parce que c'est un élève qu'il faut réduire de son rang et dire lui c'est un élève donc forcément il a tort. Non, il faut regarder. L'élève peut avoir tort sur son enseignant. Il peut avoir raison enfin sur son enseignant. D'accord? L'élève peut avoir raison. C'est pas se dire comme c'est le cheikh. C'est l'enseignant, c'est forcément lui qui a raison. Et également, entre deux enseignants, tu regardes ce qu'il en est. Et ce n'est pas forcément le plus âgé des deux, le plus savant des deux qui a forcément raison. Il faut regarder les hadiths, il faut regarder les preuves, il faut regarder l'affaire, qui c'est qui dit la vérité, qui est des témoins, qui est des barahin. Et après cela, comme on dit, tu aides celui qui a une revenant droit. Ne te précipite pas. Ou par passion, comme un tel. Tu le connais mieux, tu préfères, alors tu le défends. Maintenant, on part dans des cas où les personnes à la base sont un statut égal dans la adala, bien évidemment. C'est-à-dire que ce sont des gens à la base, il n'y en a pas un qui est connu pour le mensonge, l'autre qui est connu pour le bien. Si demain t'en as un, il est connu pour le mensonge à la base, c'est quelqu'un de sa fasiq. Et l'autre, il est connu pour être droit, mustaqim, et siqah, et adl. Bien évidemment, sa parole va prévaloir sur l'autre. L'autre, à la base, on dit toi, pour nous, t'es un menteur. On te connaît, tu es quelqu'un, tu n'es pas droit. Et lui, on le connaît, c'est quelqu'un de droit. Donc là-bas, c'est lui qui a raison pour nous. Toi, ton khabar, on n'accepte pas. Comme le Ta'ala, Ya yuwallazina amanu, idha ja'akum fasikum binaba'in, fatabayyanu. Oh, vous qui avez cru, si demain un pervers vous vient avec une information, alors voyez clair. Ne précipite pas. Tout comme il se peut que ce fasik, cette fois-ci, et dit la vérité. Il n'a pas dit tu rejettes directement. Il te dit, tu ne comprends pas ce qu'on parle comme ça. Alors que de ce verset-là, on dit le contraire, que le thika, s'il vient qu'un khabar, tu n'as pas besoin de vérifier. Tu acceptes tout de suite. Ce n'est pas obligatoire non plus, tu peux vérifier. Si demain tu dis, lui c'est un thika pour moi, je le connais, j'accepte tout de suite ce qu'il a dit, on ne peut pas te blâmer. On ne dit pas tu n'as pas vérifié. Il dit, je le connais, ce frère-là, ou ce cheikh, ou cette personne-là, c'est quelqu'un de droit. Maintenant, quand tu as affaire à deux thika, là, tu es obligé de vérifier. D'accord? Ah, mais demain, un père vient te dit une chose et un fécond te dit le contraire. La base dans le chara, c'est le tikkat dam, tu fais prévaloir le tikkat. Maintenant, si le père vient avec des preuves de ce qu'il avance, il a des preuves tangibles de ce qu'il avance, alors tu prends. Même un kafir, là. Un kafir, s'il dit la vérité, qui démontre qu'il dit la vérité, il faut accepter de lui. Alors que dire ? Un muslim fasir qui est. Un muslim fasir qui vaut toute la terre de Koufa. Le plus pervers des muslimouns est meilleur que les moins pires des koufars tous réunis ensemble sur la surface de la terre. Ça, c'est ma'alouf. Un grand pervers musulman qui est mouahid, qui adore Allah, ne sait rien, vaut toute la terre entière de milliards de l'abbé Pierre. Fayyib. Fumakal. Fayakounu al-maqsoudu. عباد الله وحده وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الحق والقيام بالقسط قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يقال لوى يلوي لسانه فيخبر بالكذب والإعراض أن يكتم الحق فإن ساكت عن الحق شيطان أخرس. Donc il dit c'est quoi le but en cela? C'est la douance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu fais cela, tu te ranges dans une affaire, ton but c'est de te rapprocher d'Allah, de plaire à Allah. Donc c'est une adoration que tu es en train de faire. Donc en cela, tu dois obéir à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois suivre la vérité avec équité et justice. Comme à Allah Ta'ala dans le sens où il dit « Ô vous qui avez cru, soyez des témoins équitables et justes, le serait-ce sur vos propres personnes, ou sur vos parents, ou sur vos proches. » D'accord ? Et que même s'il est riche ou pauvre, que Allah est plus en droit d'eux. Et ne suivez pas les passions pour ne pas être injuste. Et que si jamais... que vous mentez ou alors que vous vous taisez sur une vérité, alors Allah est certes parfaitement informé de ce que vous faites. C'est là que s'explique en arabe. Quand, dans le verset, il dit « Win talou » du verbe « Lawa yalwi » qui veut dire « Yalwi lisanahu » ça veut dire quoi ? Qu'il ment. Dans le verset, ça veut dire « Ne mentez pas » dans votre témoignage. Et l'autre, il dit « Auto alidou ali arad » là, dans le verset, c'est quoi le sens voulu ? Qu'il cache la vérité. Là, ça ne veut pas dire qu'il se détourne forcément. Dans le verset, c'est qu'il cache la vérité. Et il dit que celui qui se tait sur la vérité est un shaitan muet. Celui qui se tait sur une vérité. Et bien évidemment, c'est une vérité dont on a besoin. D'accord ? C'est une chose dont on a besoin, un témoignage dont on a besoin. Et ça rentre dans quoi également ? Shahadat al-Zur, le faux témoignage. Adam al-Akbar al-Kabair. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وبل وقال ألا أخبركم عن أكبر الكبائر فقالها ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله فقال الإشراك بالله وحقوق الوالدين وقال ألا وشهادة الزور في الحديث أبي بكرة متفق عليه que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: ne vous informerai-je pas des plus grands des péchés ? Il dit aussi, il le dit trois fois. La question, il la répéta trois fois. Il dit aussi, ô messager d'Allah, il dit le shirk, billah, l'association, l'ingratitude envers les parents. Il était allongé, après il s'est assis. Et après il a dit, et les faux témoignages, les témoignages mensongers. Donc là, dans ce hadith, le prophète démontre bien que le fait de témoigner de façon mensongère, volontairement, parmi les plus grands des péchés. C'est ça qu'il veut dire là, le shirk. ثم قال رحمه الله تعالى ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج حكم الله ورسوله والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبتل فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله بحسب ما يرضى وما يرضي الله ورسوله ولا بحسب الهوى. Donc il dit, si jamais cette personne-là maintenant, lors du différend, penche pour son ami, et cela, peu importe que la vérité soit avec lui ou pas, alors cette personne-là aura jugé avec un jugement de la jahiliya, de l'époque pré-islamique. Il sera sorti du jugement d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'aura pas jugé avec le kitab al-sunnah. Son jugement sera un jugement de jahiliya. Alors qu'il est obligatoire pour tous d'être une main unie, une seule main unie, avec le revenant droit. Celui qui était lésé, c'est lui qu'il faut secourir. D'accord ? Sur l'injuste. Donc maintenant, il faut que la personne qui soit glorifiée, on dirait glorifiée, c'est celui que Allah et son messager auront glorifié. Et que celui qui soit mis en avant, soit celui que Allah et son messager auront mis en avant. Et que celui qui soit aimé, soit celui que Allah et son messager ont aimé. Et celui qui soit avili, soit celui que Allah et son messager ont avili. D'accord ? Et cela ne doit pas être bâti sur les passions. Cela doit être bâti sur un jugement équitable du livre de la Sunna. ثم قال فإنه من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فإنه لا يضره إلا نفسه فهذا هو الأصل والذي عليه اعتماده وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم فإن الله تعالى يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Donc là il précise que celui donc après cela qui aura obéi à Allah et à son messager, lui sera sur la droiture, sur la voie droite. Quant à celui qui désobéit à Allah et son messager, lui ne celui qu'à lui-même, celui qui même qui mécroit ou quoi, ne se nuit qu'à lui-même et ne nuit pas à Allah et à son messager. كما قال تعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يدور الله شيئا. Ceux qui ont acheté la mécréance en échange de la foi, eux ne nuiront rien à Allah. Des gens se disent, comme il m'arrive telle chose et que c'est Allah qui est destiné, pour la peine je ne croirai pas en lui, je n'adorerai pas. On dit, tant pis pour toi, tu ne te nuis qu'à toi-même. Allah n'a pas besoin de toi. Allah c'est le Rani. Il se passe de toi, c'est toi qui as besoin de lui. Tu ne veux pas l'adorer ? Ne l'adore pas. Ça te revient à toi, ce choix-là. Mais après, assume-le. Et tu en subiras les conséquences, ce Melchiyama. Ou même de cette dunya. Tu te rebelles sur Allah, ce matin-là. Donc les gens qui agissent de la sorte, qui se rebellent contre leur Seigneur, ne se nuisent qu'à eux-mêmes. Il faut qu'ils le sachent. Ya ayyuhan nas, innama bariyukum ala anfusikum. Oh vous, les gens, votre injustice, n'est que contre vous-même. Quand tu fais du mal à quelqu'un, sache qu'en réalité, tu fais plus de mal à toi-même. Car même si en ce bas monde, cette personne-là à qui tu veux du mal aura été atteinte de ton mal, yom al-qiyama, ça va le vendurer et toi, ça va te rabaisser. Donc c'est toi le perdant, au final. C'est toi qui es perdant. C'est toi qui as pris le péché. Et si tu ne fais pas tawba, c'est toi qui es sous la menace. Yom al-qiyama. Donc c'est ça qui dit le shir. Que celui qui désobéit à Allah et à son messager ne se nuit qu'à lui-même. Et ça, c'est l'origine, le fondement sur lequel on doit se baser. Donc il n'y a pas besoin à ce moment-là, si on sait cela, c'est-à-dire que le jugement à émettre entre deux opposants doit être basé sur le jugement du kitab de la sunna. D'accord ? Donc il dit, ça c'est un fondement qu'on doit connaître. Donc nul besoin de diviser ou de sectariser. D'accord ? Car Allah il dit quoi ? Dans le sens où il dit, certes ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, des partis, toi, tu es innocent d'eux. C'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as rien à voir avec eux. Et Allah dans le sens il dit, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés, qui ont divergé, après que les preuves leur sont parvenues. Donc c'est juste que Allah nous a mis en garde de nous diviser de nous séparer après avoir connu l'épreuve. Donc on n'a pas à semer de division pour cela. Comme moi, je ne suis pas d'accord avec toi et tu as raison, c'est de prendre des gens avec moi, contre toi. Ça c'est de la SBIA ça, tamam, man. L'esprit de parti, l'esprit sectaire. Quand la vérité t'est apparue, qu'elle soit avec toi ou contre toi, tu l'acceptes. Tu l'acceptes, c'est le musulman qui est équitable. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ عرف قدر إحسانه إليه وشكره ولا يشد وسطه لا لمعلمه ولا لغيره ولا لغير معلمه فإن شد الوسط لشخص معين وانتسابه إليه كما ذكر في السؤال من بدع الجاهلية ومن جنس التحالف الذي كان المشركون يفعلونه ومن جنس تفرق قيس ويمن. Donc il dit que si jamais la personne, là il vise étudiant particulièrement, a appris de l'enseignant, d'un professeur, que cet étudiant a reconnu la valeur de la bienfaisance du professeur envers lui. De sa reconnaissance. Malgré cela, il ne doit pas, d'accord, s'attacher à lui pour sa personne. L'épauler pour sa personne. Lui ou autrui. Lui ou un autre. Il ne doit pas s'apparenter à lui pour cela. Comme cela fut cité dans la question qu'on avait dit, d'accord, qu'on avait dit hier. Et que cela fait partie des innovations de la jahiliya. Bida al-jahiliya. Et cela fait partie du genre d'alliance que faisaient les mouchilekoun à l'époque. C'est-à-dire ils s'unissaient pour un but autre que la vérité. Comme ce fut le cas par exemple avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Mecca. Que les tribus des alentours, avec les Quraysh, ont fait une coalition contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants. De ne pas les marier, de ne pas leur faire de commerce avec eux, de ne pas les faire voyager, rien du tout, les boycotter. Ça c'est parmi les comportements de la jahiliya. C'est à ça que le chef a allusion là. Et également, Naam. Après elle a dit, Wajin Sitafaru Qais wa Yumani, j'ai pas compris cette phrase là. J'ai pas compris. ثم قال فإن كان المقصود بهذا الشد والانتماء التعاون على البر والتقوى فهذا قد أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ولغيره بدون هذا الشد وإن كان المقصود به التعاون على الإثم والعدوان فهذا قد حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فما قصد بهذا من خيل ففي أمر الله ورسوله بكل معروف استغناء عن أمر المعلمين وما قصد بهذا من شر فقد حرمه الله ورسوله. Donc il dit par contre, maintenant, si jamais ce soutien que tu apportes à cet enseignant ou cette appartenance que tu lui accordes est bâtie sur l'entraide, sur l'obéissance et la piété, alors ça c'est une chose que Allah et son messager ont déjà ordonné à la base. C'est une chose qui fait partie de la religion là-bas, c'est une chose légiférée. Donc cela est obligatoire. Par contre, si jamais ce soutien et appartenance, c'est le contraire, le but là est l'entraide dans le péché et la désobéissance, alors c'est une chose que Allah et son messager ont déjà interdite. Donc si jamais en faisant cela tu vises le bien, c'est-à-dire en obéissant à ton professeur par exemple, et en le soutenant et en l'aidant, ton but en cela c'est le bien, alors toi à la base, tu n'as même pas besoin de lui obéir à lui. C'est une chose que Allah et son messager t'ont déjà ordonné de faire. Donc cette obéissance n'est pas pour lui en soi. D'accord, cette obéissance est pour Allah et son messager. Et le contraire, par contre, on explique que c'est haram. Le contraire, c'est haram. ثم قال فليس لمعلم أن يحالف تلامذته على هذا ولا لغيري المعلم أن يأخذ أحدا من تلامذته لينسب إليه على الوجه البدعي لا ابتداء ولا إفادة وليس له أن يجحد حق الأول عليه وليس لأول أن يمنع أحدا من إفادة المعلم من غيره وليس للثاني أن يقول شد لي وانتصب لي أو انتصب لي دون معلمك الأول. Donc il dit, il ne revient à aucun enseignant de soumettre son élève à cela. Et de s'allier à son élève à cela. C'est-à-dire qu'il revienne à lui. Que ce soit cet enseignant ou autre que lui. Qu'il n'impose à qui que ce soit parmi ses élèves à s'apparenter à lui de cette façon innovée. D'accord ? Ni pour lui-même ou ni pour le profit qu'il aura apporté. Et qu'il n'a pas non plus à renier le droit d'un. Là, c'est maintenant, là, il vise le cas des deux enseignants où l'étudiant est chez un, il veut aller chez l'autre. Le premier n'a pas à lui imposer de s'apparenter à lui, quand même, et de lui obéir à lui, et de ne pas l'abandonner. Tout comme le deuxième professeur n'a pas à demander à l'élève de renier les droits du premier, du bien qu'il a pu profiter de lui. Il n'a pas à faire cela. Et le premier, comme on l'expliquait, n'a pas interdit à son élève à profiter du deuxième. Ou autre que le deuxième. Et à Kaza. Donc, aucun prof n'a imposé à son élève ce qu'il voit, lui. Son avis à lui. Il fait une division pour cela. Si tu es avec moi, tu es honoré, tu es contre moi, je vais t'avilir, je vais te rabaisser. Je vais te faire du mal. ثم قال بل إن تعلم من اثنين فإنه يراعي حق كل منهما ولا يتعصب ولا للأول ولا للثاني وإن كان تعليم الأول لو أكثر كانت رعايته لحقه أكثر وإذا اجتمعوا على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتعاونوا على البر والتقوى لم يكن أحد من أحد في كل شيء بل يكون كل شخص مع كل شخص في طاعة الله ورسوله ولا يكونون مع أحد في معصية الله ورسوله بل يتعاونون على الصدق والعدل والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصر المظلوم وكل ما يحبه الله ورسوله. Donc maintenant si l'élève apprend des deux enseignants, celui-là et celui-là, alors lui, il doit leur rendre leurs droits tous les deux. Et ne se fanatise ni pour le premier, ni pour le deuxième. Et que si jamais le premier, son enseignement était de plus grande quantité, il lui a plus enseigné, il a pris plus de choses, alors il doit lui rendre son droit. Savoir que celui-là lui a apporté plus de biens, plus de profit. Il doit le reconnaître. Donc lui rendre plus de droits. En guise de reconnaissance et de remerciement. Et pas pour sa personne. Et que si jamais ils s'unissent tous sur l'obéissance d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils s'entraident dans l'obéissance et la piété, alors aucun des deux ou personne n'a de droit sur l'autre. Ils sont tous égaux là-dessus. Pourquoi ? Car leur union est basée sur la vérité. Naam. Donc ils ne doivent pas s'unir sur la désobéissance de Allah et de son messager, et doivent s'entraider dans la véracité, dans la justice, dans la bienfaisance, dans l'ordonnance du convenable et les prohibitions du blâmable, et de secourir le lésé, l'opprimé, et sur tout ce que Allah et son messager ont aimé. Thumma qala wa la ta'awanuna la ala dhulmin wa la ala asbiyatin jahiliyatin ولا اتباع الهوى بدون هدى من الله ولا تفرق ولا اختلاف ولا شد وسط لشخص ليتابعه في كل شيء ولا يحالفه ولا عيد ما أمر الله به ورسوله. Donc ils n'ont pas à s'entraider dans l'injustice ni dans le sectarisme, esprit de parti tribal, de la jahiliya, ni dans le suivi des passions sans guider d'Allah, et ni dans la division, ni dans la divergence, et ni dans le soutien d'un individu pour sa personne, et ni pour le suivre en toutes choses, dans tout ce qu'il dit. D'accord ? Et ni ils s'unissent sur une autre chose que ce que Allah et son messager ont ordonné. Sallallahu alayhi wa sallam. Là, ça fait penser à une personne, un ignorant qui s'est mis à prêcher en France, qui avait nommé son cheikh, enfin son cheikh de loin. Il a dit, c'est cheikh un tel. Il dit noir, je dis noir. S'il dit blanc, je dis blanc. Ça, c'est exactement ça, là. S'il dit noir, je dis noir. S'il dit blanc, je dis blanc. On dit d'accord, et si c'est bleu, comment tu fais? Devant toi c'est bleu, et lui dit noir, tu vas dire noir. Devant toi c'est bleu, il va dire blanc, tu vas dire blanc. Ou tu vas dire gris, tu vas essayer de jouer entre les deux, non. Bleu c'est bleu. Quand on dit bleu, tu dis pas noir. Quand tu dis pas blanc, tu dis bleu. Donc l'union entre nous doit être basée sur la vérité et sur l'amour d'Allah et son messager. Tu ne peux pas dire à ton frère, par exemple, qui ne t'a rien fait, ou sans preuve, toi, je n'ai rien à faire de toi. Comme ce fut le cas d'un frère qui m'a raconté en France, qu'il a eu un entretien avec un autre frère. À la base, ça se passait bien entre eux, auparavant. Puis depuis, il a eu des troubles liés à cette fitna actuelle au Yémen. Le frère a dit, tu n'as pas le droit de nous parler comme ça, sans droit. Dire, je t'en ai rien à faire de moi. Tu peux dire, toi par exemple et moi, Yannick, les relations se sont éloignées ou quoi, mais t'en as rien à faire de moi, quoi qu'il m'arrive, t'en as rien à faire. Je suis un moumine, je suis un croyant, tu peux pas me parler comme ça. Ou alors tu me démontres. Et l'autre frère ne voulait pas dire pourquoi. On n'a pas apporté de preuves. Donc l'autre a dit, ça, pour moi, c'est une injustice. Genre le débat, il a continué entre les deux. C'est une injustice. Et au Qiyamah, tout le monde va se trouver devant Allah subhanahu wa ta'ala nu. C'est-à-dire, il va juger entre nous. L'autre, il a dit quoi? Celui qui était contradicteur, il a dit, même habillé si tu veux. Non, comme ça, il lui a dit. Parce qu'à la base, dans le hadith, au Qiyamah, on va arriver nu, incirconcis. Et Allah jugera entre nous. Ça, c'est une phrase d'une impertinence et insolence pure face à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son jugement. J'ai demandé à Sherba Djamel par rapport à cette phrase-là. Il y a quelqu'un qui dit ça, c'est quoi le jugement? Il a dit ça, c'est. Non. Il a dit c'est extrêmement grave. Cela démontre que cette personne-là, elle n'a pas peur d'Allah. On craint pour lui. Il a dit comme ça. Narchar alayhi. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Donc des gens qui parlent comme ça, on a peur pour eux. Déjà, tu n'arrives pas à démontrer pourquoi tu n'as rien à faire de tes frères. Et après ça, tu es impertinent envers les adillah, envers les preuves. Donc quand ça va faire, là ce passage-là, il m'a posé un peu problème. Après, elle dit, « فَإِنْ هَذِي الْأُمُورِ إِنَّمَا وَلَّدَهَا كُونِ الْأُسْتَاذِ يُرِيدُ يُوَافِقَهُ أَنْ يُوَافِقَهُ تِلْمِيذُهُ أَلَى مَا يُرِيدُ وَيُوَالِي مَنْ يُوَالِي وَيُعَادِي مَنْ يُعَادِي مُطْلَقًا وَهَذَا حَرَامٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ أن يأمر به أحدا ولا يجيب عليه أحدا بل تجمعهم السنة وتفرقهم البدعة. Donc il dit, ce genre de comportement ne sont que le fruit, ne proviennent que du fait que le professeur est une personne qui veut que son élève l'obéisse en toute chose, soit d'accord avec lui en toute chose. Il veut qu'il s'allie à qui s'allie lui, et il veut qu'il s'entraîne à qui s'en prend lui. D'accord ? Comme on disait tout à l'heure, il veut que son ennemi soit l'ennemi de son ami. Et il veut que son ami, le professeur, soit l'ami de son ami, de son élève. Si un tel c'est mon ami, il dit à son élève, c'est ton ami à toi aussi. Si un tel c'est mon ennemi, toi aussi c'est ton ennemi. D'accord ? Si jamais tu n'es pas d'accord avec moi, il se passe des problèmes. Et ça, donc là, il dit que cela est interdit, est illicite, et que personne n'obéit dans ce genre de situation-là. Qui doivent s'unir avec la sunna, alors que c'est la bid'a qui va la diviser. ثم قال, il finit par ça, يجمعهم فعل ما أمر الله به ورسوله وتفرق بينهم ومعصية الله ورسوله حتى يصير الناس أهل الطاعة لله أو أهل معصية الله فلا تكون العبادة إلا لله عز وجل ولا الطاعة المطلقة إلا له سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم انتهى المراد la fatwa continue mais j'arrête là. Ils doivent s'unir sur une chose que Allah et son messager ont ordonné, d'accord? S'ils s'unissent sur une chose que Allah et son messager ont ordonné et qu'ils doivent se diviser, se séparer pour une chose que Allah et son messager ont interdite. Par exemple, Allah a ordonné qu'on fasse telle chose, on doit s'unir pour la faire. Et si Allah a interdit qu'on fasse telle chose, des gens la font, on se sépare d'eux. D'accord ? On se sépare d'eux. Donc là, les gens deviennent soit des gens de l'obéissance, ou des gens de la désobéissance. Et là, l'adoration ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'obéissance dans l'absolu ne revient qu'à Allah et à son messager. Et ça, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Comme on le voit, des gens aujourd'hui se sont sectarisés autour de notre chair. Que si jamais tu veux des avantages, tu veux avoir, même des frères, c'est arrivé, des frères ils ont dit que si jamais tu veux qu'on t'aide dans ton masjid, alors tu vas te désavouer de l'al-hajouri. Parce qu'on doute, on ne sait pas ce qu'il aime bien, ce qu'il n'aime pas. Donc tant que tu ne feras pas un désavoué officiel, on ne donne plus d'argent pour votre mosquée. Donc ils ont fait quoi? Une annonce. Al-hajouri, kaza, kaza, kaza, kaza. Donc ça c'est une alliance qui n'est pas permise. Où des gens disent, si tu veux être tel, avoir tel privilège, alors désavoue-toi de un tel. Ils le font. Pas intérêt. C'est pas pour Allah tout ça. Car tu lui dis, telle personne dont je dois me désavouer, qu'a-t-elle fait? Il dit, il a fait ça et ça et ça et ça et ça. Tu dis, ben ça et ça et ça et ça, je te réfute que c'est pas vrai, avec des preuves. Donc que reste-t-il? Oui, mais les savants, ils ont parlé. On vient de te démontrer que ce que les savants ont dit, ce n'est pas vrai. Donc que te reste-t-il? Si les savants, ils peuvent se tromper. Ah. À ce moment-là, je ne peux plus rien faire. Donc, la révélation descendue sur eux, donc il faut leur obéir. S'ils te disent qu'un tel, c'est tel jument sur lui, et que les preuves qu'ils ont, sur lesquelles se basent, ce n'est pas vrai, on doit leur obéir, nous t'en. C'est ça que ça veut dire. Eh bien, tu dis, moi, j'obéis à Allah son messager. Ce que vous dites là, je n'en suis pas convaincu et je vois que les preuves ne vont pas dans votre sens. Donc je ne le ferai pas. Qu'est-ce qui se passe? Boycott. Donc on explique qu'en islam, le musulman, il aime pour Allah. Il déteste pour Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu dois aimer une personne qui a raison dans sa vérité. D'accord? Si elle met à la tort, tu la délaisses. Tu l'aimes pour ça. Et que demain, même si toi et moi on est amis et que tu fais une chose qui ne convient pas, il y a des preuves, tu continues, je me sépare de toi. Ça, c'est une séparation qui est légiférée, même obligatoire. Et demain, tu fais une chose, elle est bien, obligatoire. D'accord? Cette chose-là, pour celle-là, je dois venir avec toi. Tant que tu es une personne bien, bien sûr. Maintenant, tu as mieux à dire, tu fais du bien, je n'ai pas venir m'allier à toi à la base. Mais je dois reconnaître que ce que tu fais, c'est vrai. Je veux dire, ce qu'il fait, là, un tel, cette parole-là, elle est vraie. Même si c'est un Hizbi, c'est un Yéhouane, c'est un Tabiri, ce qu'il a dit là, c'est vrai, les frères. Allez, c'est vrai, cette parole-là. Donc, t'as déjà ne marche pas à ça. Ils marchent à leur intérêt. Si nous, on est unis sur une chose, on y trouve notre intérêt, on s'unit. Même si un tel fait une chose qui mérite qu'on le boycotte, on ne va pas le boycotter. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de lui. Parce qu'on fait là. Et si des gens viennent, nous démontrent qu'un tel qui est avec nous a tort et fait des choses pas bien, et nous démontrent avec preuve, et bien un tel qui est venu en dernier, on le délaisse. Pourquoi? Parce qu'il est en train de parler sur un de nos amis. Alors que cet ami-là mérite à la base, on le dévoile. Il est déconseillé, on lui a démontré les preuves, il continue. On doit le délaisser. Là, quelqu'un vient et dit, hey, les frères, ce frère qui est avec vous, là, il a fait ça, ça, ça, ça, ça, ça. Faut le délaisser, il faut le conseiller. Et bien nous, on te prend toi comme ennemi. Pourquoi? Car tu es l'ennemi de notre ami. Ça, c'est la SBIA, ça. Donc le musulman, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas ouvert à tous, on n'est pas fermé à tout. Parce que déjà, ils aiment bien dire, avoir comme slogan, contre tout le sectarisme. Je suis contre toute forme de sectarisme. On dit, si jamais tu vises par là, la SBIA, il y a une SBIA, celle pour Allah, elle existe. Fait une Hezbollah pour Moulra Alibun. Vous voyez, le groupe d'Allah, partie d'Allah, sont les vainqueurs. Pour Allah, c'est-à-dire une union pour Allah et son messager, tu dois l'accepter. Et le musulman, une fois dans un derse, j'avais dit, c'est un terme que j'ai employé, j'aurais pu prendre mieux que ça. J'avais dit, le musulman, le salafi, nam, il a du sectarisme en lui. Car il ne s'allie pas à tout le monde. En vrai, le vrai mot à dire, c'est pas sectarisme, c'est sélectif. En fait, il est sélectif. C'est parce que tu es un musulman, forcément que tu es bon, on va être amis. Je regarde comment tu es. Je regarde quelle est ta voix. Je regarde quels sont tes actes, tes paroles. Si je vois qu'elles sont conformes au kitab la sunna, toi et moi, on va s'unir. Si je vois que c'est pas conforme, toi et moi, on va se séparer. Je n'aime pas tout musulman. Il y a un amour de base qui existe, il mène, mais demain, je vois que tu es un moum, tu as dit en quoi, je ne vais pas t'aimer. Et tu as des gens, tellement ils veulent combattre le Hezbollah, soi-disant, qui se mettent à aimer tout le monde en fait. Ça s'appelle El Minej à la Fière, la voie sur laquelle était Abou Hassan, le Misri. Tout le monde avec nous. Hein? C'est le Tamir, non, c'est le Tamir, c'est l'exercice. C'est le Tamir. Ça s'appelle Minej à la Fière, c'est-à-dire que tu veux agrandir le cercle de la Sunna pour rentrer des gens qui n'en font pas partie. Et ça, là-dessus se base la règle sur lesquelles sont venues les maftouns en France, que la base chez le musulman, c'est qu'il est salafi. Jusqu'à ce qu'on ait la preuve du contraire. Donc pour eux, tout musulman qui vient maintenant, tant que je ne sais pas qui il est, c'est un salafi pour eux. C'est un musulman, donc c'est un salafi pour moi. Si ce n'est pas salafi, pour moi le contraire. On dit un non. Je ne te dis pas qu'il n'est pas salafi, je te dis juste que je ne sais pas qui il est. Donc tant que je ne sais pas qui il est, je mets une réserve. Je juge son apparence, si je vois qu'il a une apparence soumise, je dis ce frère-là, il a l'air d'être bien. Maintenant, je fais son éloge, je le recommande, je ne peux pas, je ne le connais pas. Donc pour eux, si tu dis pas quelqu'un, c'est tu reconnais pas que ça c'est la vie, c'est que pour toi c'est un moutadir. On dit non, j'ai pas dit ça. Je dis, je sais pas qui il est. J'ai pas inventé une nouvelle branche intermédiaire. Je dis, je sais pas qui il est. Si demain je vois que c'est un salafi, je dis non, maintenant je le connais, là, je vois qui il écoute, de quel savant il prend, avec qui il marche, qui il fréquente, c'est quoi sa voix, ça salafi. Ou le contraire, j'ai vu de qui il prend, avec qui il marche, c'est pas un salafi. Pourquoi? Il fréquente les Hizbis. Et je le vois que le salafi c'est par deux. Je le mets avec les Hizbis. C'est tout. J'ai pas besoin de plus. En islam, on juge les apparences, les fréquentations, les références de science. Il me dit j'écoute de tel savant. Ces savants-là sont des gens de la bida, je fais t'es avec eux. Ces savants sont de la salafia, t'es bien avec eux. Ah va. Bien que personne n'est infaillible. Il se peut qu'il écoute un savant, qu'il y ait des erreurs, il n'est pas au courant qu'il y ait des erreurs, savant. On lui explique, écoute, tel savant, il dit ça, je ne savais pas. Barakallahu fik. Il accepte. Et t'en as, tu lui dis, tel savant, il a ça. Comment tu parles sur lui? Comment tu oses? Comment? Tu dis, arrête, je te donne des preuves. Ce savant-là, quand tu dis les preuves, clairement, et là, il fait révolte. Eh bien, t'en as, ils sont très, genre d'après eux, ouverts à tous. Eh bien, pas sur leur savant, tu verras comment ils sont. Là, c'est comme le ménage des mazahib. C'est ça, les mazahib. Je suis Shafi'i, donc l'imam Shafi'i, pas par sur lui, jamais. S'il a tort, attention à toi. Dis pas qu'il a tort. Je suis Hanbali, l'imam Ahmed, je suis son mazhab. Ben, l'imam Ahmed, dans cette masala-là, il n'a pas eu raison. Attention, comment tu penses, l'imam Ahmed? L'imam Ahmed, c'est un imam, la sunna, mais il n'est pas infaillible. C'est tel masala, le dalil ne peut pas revenir, ou peut-être qu'il a authentifié un hadith qui n'est pas authentique. Il a tort. Oui, je le dis. Ah, révolte, il saute. Tu sais, on dirait que tu as parlé sur bien fou. Ça, c'est la Hizbiya qui m'a fait moment. Pourquoi? Il s'est mis sur un madhab. Moi, je suis Shafi'i, donc l'imam Shafi'i, c'est lui qui me. C'est lui mon meneur. Moi, je suis Hanafi, l'imam Abu Hanifa, c'est lui mon meneur. Moi, je suis Maliki, l'imam Malik, c'est lui mon meneur. Tu dis, ben non. Ça, les ulama comme Ibn Qayyim, ils ont dit, ça, c'est une bid'a. Ça, c'est une bid'a qui est arrivée après les trois années siècles, les meilleurs siècles à la fin. Après le Kouroun Mufaddala. Il y en a un Mouakirin qui dit ça. Même Cheikh Okani aussi dit ça. Dans El Irshad, il dit ça aussi. Que le fait de t'apparenter à une personne et de te contraindre à sa parole à lui, tu t'apparentes à lui et tu rejettes toute parole que la sienne, ça c'est de la bid'a. Et cela n'était pas là-dessus. Et pour preuve, tu dis ben, l'imam Ahmed, c'est quoi ce madhab? L'imam Malik, c'est quoi ce madhab? Ils vont te dire on a pris des Sahaba. Ben, tu dis, prends comme eux. Et eux-mêmes, ces imams-là, n'ont jamais dit aux gens, prends mon nom et suis mon mazhab. Ils n'ont jamais dit ça. Au contraire, ils ont combattu cela. Donc, une vraie personne qui aime l'imam Ahmed, d'accord, il va le suivre dans ses conseils. On prend ce qu'il dit de vrai, dans le fiqh, ce qu'il a dit comme vrai, comme dans les Mustahil, on prend. Quand il a apporté la preuve. Et si il a eu tort, on ne prend pas. Et on lui trouve des excuses que c'est un imam de la Sunna reconnu. Akad, on doit agir avec eux ou autrui, que ce soit ces imams-là ou ceux d'après eux, ainsi de suite. Le haq, c'est ce que Allah et son messager ont déterminé. Pas plus. Et pas la personne en soi. Tamam. Donc, ça, c'est Inch'Allah, en espérant que lorsque les gens vont écouter ce genre de fatawa, comme cette fatawa de Shah al-Islam, vont comprendre un petit peu c'est quoi un peu plus les sifat de la Hizbiyyah, et du Hizbi. De quoi il marche. Car pour des gens, le Hizbi, c'est forcément quelqu'un qui se rase, qui appelle au vote, qui a une jam'iyat, ou qui, je sais pas, qui fait telle ou telle chose. On dit à la base, c'est un fiqh. Le Hizbiya, c'est une idéologie. Une façon de comprendre les choses, qui est fermée, qui n'est pas bâtie sur le kitab et sunnah. C'est une alliance, c'est l'alliance des aveux restreints. Tu bâtis ton alliance et ton désaveu pour autre que le kitab et sunnah, quitte à diviser. Celui qui n'est pas avec toi, c'est ton ennemi. Celui qui est avec toi, même s'il a tort, c'est ton ami. C'est ça la Hizbiya. Même si j'ai qu'un camis blanc qui brille, une grosse barbe, mashallah, il le camis sur ses chevilles, il a une apparence et il lit le Coran avec un tajwid, mashallah. S'il est là-dessus, ça risque. Et que les gens, après, ils agissent et ils se comportent en fonction des preuves, tout simplement. Avaro. Quitte à ce que ça se fasse du mal, que tu te retrouves tout seul, quand tu fasses le hajj, eh bien, Yom Al-Qiyamah, tu seras élevé en degré parce que tu n'auras pas sauté sur une épreuve. L'imam Ahmed a été torturé pour qu'on le force à dire une parole très grave. Il n'a pas sauté. Et ça l'a élevé en degré. C'est devenu imam al-Sunna Fizamani. Donc toi, on te dit juste, un tel, tu ne le défends pas, et un tel, s'il faut le critiquer, critique-le. Et si on fait du hajj, toi, tu seras, Inch'Allah, tu seras récompensé. Des meilleurs que toi, c'est bien pire que ça pour en dire la vérité. Mais ça demande de la patience. On avait pris, qu'est-ce qu'on avait dit dans le Salafa? Aïe, on avait pris quoi? Tu apprends la science. Après, tu l'appliques. Après, tu appelles. Et après, tu patientes ce qu'ils vont en découdre. Et on écoute des choses, c'est obligatoire. Ça n'arrive pas à patienter, t'es faible. On est tous faibles. Mais t'as des faibles, ils ne veulent pas reconnaître leur faiblesse. Ma foumahada, faïla huna, walhamdulillahi rabbil alamin.